Ton humanité qui se tire, te méprends pas sur le but. Tu devrais lire entre les lignes. Tu te trompes de lutte. C'est au chaos qu'ils aspirent. Au chaos qu'ils aspirent. Combien de temps encore allons-nous les entendre débiter? Aspire.